Ils sont juristes experts et répondent à toutes vos questions. Bienvenue dans le nouvel épisode de À vos droits by Jury Travail. Bonjour à tous et bienvenue dans le tome 5 de notre saga d'actualité jurisprudentielle. Je suis Marc, votre hôte, et également juriste expert chez Jury Travail. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rania et Manon, également juriste chez Jury Travail. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Pour rester fidèle aux habitudes de l'émission, nous allons commencer par le droit du travail. Quelle nouveauté apportez-vous cette semaine ? Pour commencer notre revue d'actualité, nous allons parler de deux nouvelles jurisprudences en matière de licenciement. La première est un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024 concernant le licenciement dont le motif est tiré de la vie privée du salarié. J'ai suivi cette affaire où la RATP contestait un arrêt de la Cour d'appel de Paris concernant la révocation de l'un de ses salariés. Ses salariés embauchés en 2014 comme machiniste-receveur avaient été révoqués en 2018 pour faute grave. La faute reprochée était liée à un contrôle de police en dehors de ses heures de travail où il avait été trouvé en possession de cannabis. La RATP estimait que cela portait atteinte à son image et à ses obligations de sécurité. Le salarié contestait cette révocation, estimant qu'elle violait son droit à la vie privée, et la Cour d'appel avait annulé la sanction, ordonnant ainsi sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement. La RATP a alors formé un pourvoi, avançant que le licenciement ne pouvant être annulé puisqu'il ne s'agissait pas d'une violation d'une liberté fondamentale et que ces faits, bien que relevant de la vie personnelle, avaient des répercussions sur l'entreprise. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel. Elle a jugé que les faits reprochés relevaient de la vie personnelle du salarié et non de ses obligations professionnelles. Cependant, cela ne justifiait pas une nullité du licenciement, mais simplement l'absence de cause réelle et sérieuse. La révocation a donc été jugée illégitime et le salarié a obtenu des indemnités pour préavis, congés payés et dommages et intérêts, mais pas sa réintégration. Cet arrêt clarifie qu'un licenciement pour des faits de vie privée doit être strictement justifié par des obligations contractuelles ou des impacts sur l'entreprise, mais ne peut être annulé sans texte, le prévoyant ou violation d'une liberté fondamentale. Merci Rania. Pour continuer l'actualité, on enchaîne sur la décision du 23 octobre 2024 sur le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans le cadre de votre travail et vous usez tout naturellement de votre liberté d'expression. Cependant, votre employeur le prend mal et décide de vous licencier suite à cela. Eh bien, la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2024, a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui dit que le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est nul car porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. Ainsi, le salarié qui demande sa réintégration a droit à une indemnité d'un montant égal au salaire qu'il aurait perçu entre son licenciement et sa réintégration. De plus, la Cour va plus loin en précisant que l'indemnité compensatrice de préavis obtenue par le salarié ne libère pas l'employeur de l'indemnité d'éviction, sans que soient déduits les revenus de remplacement touchés durant cette période. La question des abonnés. On va répondre à une question d'un abonné Instagram. Alors, c'est une question d'Alexandra qui nous dit « Bonjour, j'ai acheté un barbecue en magasin. Le vendeur m'a assuré qu'il résistait aux intempéries et pouvait rester dehors toute l'année. Quelques mois plus tard, il a commencé à rouiller. Au magasin, ils ont refusé de l'échanger ou de me rembourser en disant que la notice précise qu'il faut le couvrir ou le ranger. Je n'avais pas été informée de ça lors de l'achat. Si je l'avais su, je n'aurais pas acheté ce modèle. » Merci Alexandra pour cette question. Ça me rappelle une affaire assez récente. Une société hôtelière avait acheté du mobilier extérieur, conseillé par un maître d'œuvre, mais il s'était rapidement abîmé sous l'effet des embruns. La société a poursuivi à la fois le vendeur pour ne pas avoir clairement expliqué les contraintes d'entretien et le maître d'œuvre pour mauvais conseil. La cour d'appel avait donné tort à la société, estimant que le vendeur avait averti oralement de la nécessité d'entretien et que le maître d'œuvre n'avait pas fauté. Mais la cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2024, a annulé cette décision. Elle a rappelé que le vendeur doit prouver qu'il a fourni des informations claires sur les conditions d'utilisation avant la vente. Quant au maître d'œuvre, sa responsabilité devait être mieux examinée. Dans ton cas, Alexandra, on pourrait s'appuyer sur des principes similaires concernant l'obligation d'information des vendeurs. Si celle-ci n'a pas été respectée, tu as potentiellement des recours. Chers auditeurs, n'hésitez pas vous aussi à poser des questions sur nos réseaux sociaux. Pour terminer le podcast, on aimerait parler de deux nouvelles lois sur la protection des enfants. La première, la loi du 18 mars 2024, vise à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales et apporte plusieurs changements importants. Premièrement, l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit pour le parent poursuivi, mis en examen, pour un crime commis sur l'autre parent, une agression sexuelle incestueuse sur son enfant ou un crime commis sur son enfant. Cette suspension s'applique jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales et du non-lieu du juge d'instruction ou de la juridiction pénale. La loi prévoit aussi le retrait total ou partiel de l'autorité parentale qui devient systématique pour le parent condamné comme auteur ou complice d'un crime commis sur son enfant, d'une agression sexuelle incestueuse sur son enfant ou d'un crime commis sur l'autre parent. Ensuite, nous allons évoquer une question importante qui touche beaucoup de familles aujourd'hui, le droit à l'image des enfants. La loi du 19 février 2024 a renforcé la protection du droit à l'image des mineurs, surtout dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents. Concrètement, cette loi prévoit que les parents doivent désormais exercer le droit à l'image de leurs enfants de manière responsable. Les deux parents doivent être d'accord avant de publier des photos ou vidéos de leurs enfants en ligne. Si l'un des deux s'y oppose, les images ne peuvent être diffusées. Un point fort de cette loi, c'est qu'elle donne aussi une voix aux enfants eux-mêmes. Dès qu'ils sont capables de discernement, ils peuvent demander à leurs parents de retirer une photo ou une vidéo où ils apparaissent. Enfin, si des abus sont constatés, par exemple si des publications nuisent à l'intimité ou à la dignité de l'enfant, un juge peut intervenir pour protéger le mineur, voire limiter les droits des parents sur ce point. En résumé, cette loi est là pour rappeler que le droit à l'image est un droit fondamental et qu'il s'applique aussi aux enfants, même si ce sont leurs parents qui gèrent leurs publications. Cette seconde loi, du 19 février 2024, a modifié le Code civil pour introduire dans la définition de l'autorité parentale la notion de vie privée. Il s'agit de consacrer de manière expresse l'obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leurs enfants, y compris son droit à l'image au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. Permettre au juge aux affaires familiales d'interdire à un parent de publier ou de diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l'autre parent. Inscrire la phrase suivante, les parents protègent en commun le droit à l'image de leurs enfants mineurs, et que les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image selon son âge et son degré de maturité, comme l'exige la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. De plus, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille, peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant, lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci. Merci Rania et Manon pour vos explications, votre intervention et votre expertise apportée aujourd'hui. Merci à vous. Merci également pour nous avoir invités. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Pour aller plus loin, découvrez nos derniers articles sur notre site. À bientôt pour un nouvel épisode de À vos droits, va jury travail.